Demandez-moi et mets-toi. Comment alors? Mais comment alors tu le dis? Comment alors? Mais comment moi tu le dis? Aïe! Aïe! Qui parlait pour moi? Tu parlais pour moi? Aïe! Aïe! Qui parlait pour moi? Capo qui parlait où? Mon kili, mon bimba. Demandez-moi et mets-toi. Demandez-moi et mets-toi. Comment alors te le dire? Mais comment alors? Mais comment m'a t ça? Aïe! Aïe! Qui parle pour moi? Qui parle pour moi? Aïe! Qui parle pour moi? Qui parle pour moi? Tango na kukaniza. Bon appétit, nada coulina. Sukuma, sukuma, masuma, sukuma. Parlez pour moi. Aïe, aïe, papa, connaît-vous les mots? Qui parlait pour moi? Regardez-moi, messieurs, il ne voit que tout sur toi. Ouvrez-moi mon cœur, il a beaucoup à te dire. Même les tabacs, près de Dieu, je vais mourir. Même les tabacs, même les tabacs, ma ou ma ou. Qui parle pour moi? Aïe, aïe, aïe. Papa connaît vous les français. Allons croquer café. Un pour toi, un pour moi. Est-ce que tu as déjà vu ça? Pédalez, pédalez. Maria, priez pour nous. Mama, hello Mama, hello, hello. I don't want my dad.